wake up in the morning, say a little thing to God. Him bless me, there's food in my cupboard. Remember in the days when time well up, me belly hungry, and me could not find a regular job. Be like me, young wolf, to chop in a cage. Still searching for the words to put on the page. Still dreaming about the day when me step on the stage. But nothing now comes, that's what me better say. J'avoue, j'ai vu des pieds, des pieds comme me souffle le vent. Je vous le dis, j'ai vu devant des visions déplaisantes. Je vis la vie que je veux, que je voulais depuis longtemps. Je vais là où font mes envies, je vise les pas d'ange. Révise mes textes, déjà vise qui me teste. Refuse qu'on me prête le vice, je déteste. Je vous m'envoie ma vie à l'arrivée, ma vie tel un regard. Je t'ai je vois du noir, je vois ce qu'on peut voir. J'avoue souvent déçu, je vois le mal partout. Et je reçois l'animosité, me déçoit. Mes visions tristes et je conçois qu'on soit confus, que le refus soit. Dans nos mœurs, c'est qu'on diffuse ses pensées sales et que l'on use. Qu'on a lâché dans le sud. Mais rien à foutre, c'est devant que je vois. Et je n'en fiche l'autre que ce qu'il voit en moi. Je sais que j'ai tout pour moi, j'essaie de grandir. Mais là, c'est des faits, c'est dur d'avancer. Mais je fais du mieux possible, du moins j'essaie. Wake up in the morning, say a little thing to God. Him bless me, there's food in my cupboard. Remember in the days when time well up. Me belly hungry, and me could not find a regular job. Be like me, young wolf, to chop in a cage. Still searching for the words to put on the page. Still dreaming about the day when me step on the stage. C'est que j'aime, aimer, apprécier, détester. Sachez que j'oublie rien, tout est gravé. A-L-I-S-C-H. Je vois tout le monde bouger la tête. À ceux qui s'entêtent à vouloir faire comme moi, arrêtez tout de suite, nos vies ne se ressemblent pas. Le B-D-O me fonce dès le R-A-P. C'est suicidé, couleur métissée. Rentre dans le game, t'as reconnu le flow. T'es déjà over game, brûlé sous flamme. J-A-V pour le podium, derrière y'a moi. Même illimité comme le millénium. Du bon sang comme on aime pour un peu négro. Et toutes les missiles du soccer évolution pro. Voici l'année 2010 qui se faufile. Et rime une richesse à la façon qu'il bille. Wake up in the morning, say a little thing to God. Him bless me, there's food in my cupboard. Remember in the days when time well up. Me belly hungry, and me could not find a regular job. Be like me, young wolf, to chop in a cage. Still searching for the words to put on the page. Still dreaming about the day when me step on the stage. On rêve de kilos, de grosses tonnes pour une mise au vert au dom-tom. Demande aux frères Xiz si dans la cité c'est pas la merde. On est en fin 2009 et c'est la grosse crise. Voici 2010, ça s'annonce encore plus pire. Donc faut charbonner et personne ne peut m'aider. Me parle pas de RAP, c'est pas lui qui va me faire manger. Y'a trop de rage en moi qui peine à sortir. Le bénef, on le nique tant qu'on est ton corps libre. Allô. Wake up in the morning, say a little thing to God. Him bless me, there's food in my cupboard. Remember in the days when time well up. Me belly hungry, and me could not find a regular job. Be like me, young wolf, to chop in a cage. Still searching for the words to put on.